Et on jette un nouveau coup d'œil sur vos conditions de circulation en Île-de-France Sud avec un départ anticipé en week-end pour certains d'entre vous. 4 jours de bonheur. Eh bien, par contre, ça commence par des embouteillages, notamment sur l'autoroute A6 en direction de Paris. Vous ralentissez sur l'A6A de l'Aïle-et-Rose jusqu'à Arcueil. Ça coince également entre Arcueil et la Porte d'Italie sur l'A6B. 18 minutes, c'est ce qu'il vous faut entre Évry et la Porte d'Orléans. Vous faites Évry-Porte d'Italie en 26 minutes et Évry-Vissous en 10 minutes sur l'A6 en direction de la province. Ça coince sur l'A6B de la Porte d'Italie jusqu'à Vissous et de Vissous jusqu'à Viry-Châtillon avec 30 minutes pour faire Paris-Évry. Et vous faites Vissous-Évry en 20 minutes. Bon courage sur la N104 maintenant en direction de l'autoroute A4. Vous ralentissez entre Fleury-Mérogis et Bondoufle. Ça coince également entre Corbeil et Étiole et entre Pont-au-Combo et le Valmaubuée. Il vous faut là alors 17 minutes entre l'autoroute A10 et Évry, 22 minutes entre Évry et Lieusaint et 49 minutes entre Lieusaint et l'autoroute A4 sur la N104 maintenant en direction de l'autoroute A10. Vous ralentissez entre le Valmaubuée et Pont-au-Combo, entre Lieusaint et Saint-Germain-les-Corbeil et puis également entre Bondouf et Fleury-Mérogis. Il vous faut alors 18 minutes pour faire Évry, l'autoroute A10, 16 minutes entre Lieusaint et Évry et 31 minutes entre l'autoroute A4 et Lieusaint. Sur la N118 en direction de la capitale, eh bien tout semble rouler pour le mieux, étrangement. En revanche, direction la province sur la N118, ça coince du pont de Sèvres jusqu'à Orsay avec 1h et 11 minutes à prévoir entre le pont de Sèvres et les Ulysses. Bon courage. EFM, encore plus d'infotrafic sud Île-de-France. On poursuit cet infotrafic avec l'autoroute A10 en direction de Paris. C'est saturé entre Palaiseau et Massy, direction la province. Vous ralentissez de Vissous jusqu'à Palaiseau. Et quant à la Nationale 20 en direction de la capitale, eh bien attention, vous êtes contrôlé au niveau d'Étampes et de Morigny, vers Morigny-Champigny, pardon, au niveau de la zone des Rochettes. Donc prudence en direction de Paris sur la Nationale 20 au niveau d'Étampes. Vous êtes contrôlé pour votre sécurité et celle des autres. Du côté des bouchons, eh bien direction de Paris. Ça coince entre Linas et Ballainvilliers, débouchons également dans le secteur de Massy, au niveau d'Antony également, et entre Arcueil et la Porte d'Orléans. Et puis direction la province, des difficultés entre la Porte d'Orléans et Arcueil, de la Croix de Berny jusqu'à Massy et de Ballainvilliers jusqu'à Linas, avec 2 contrôles de vitesse à vous signaler en direction de la province sur la Nationale 20, au niveau de la commune d'Étampes et de la sortie Saint-Martin. Et puis un autre contrôle de vitesse au niveau de Monerville après le pont. Et bien vous êtes contrôlé là aussi, prudence là aussi pour votre sécurité et celle des autres. Du côté de la N7, dans les 2 sens de circulation, débouchons entre Ris-Orangis. Je suis en train de m'étouffer. Ris-Orangis et Viry-Châtillon. Et puis des bouchons également de Juvisy jusqu'à Tismons. Ça coince entre Orangis et l'accès à la 86. Et du côté de la N6. Eh bien, vous ralentissez au niveau de la croix de Villeroy. Eh bien, du côté de la musique Hit & Gold, lui ne s'étouffe pas. Il s'appelle David Guetta. Voici Where's the Girls At. Venez découvrir toute la gamme Ford chez votre concessionnaire Ford Alliance Car aux Ulysses. Véhicules neufs et occasion. Services spécialisés pour les sociétés. Ateliers carrosserie, mécanique et pièces détachées. Vous trouverez forcément votre bonheur chez votre concessionnaire Ford Alliance Car dans la zone de Courtabœuf aux Ulysses. 01 64 86 40 40 www.groupebera.fr. BEHRA.fr.